La sellette. Durant l'Ancien Régime, la sellette était un tabouret sur lequel étaient placés les prévenus. Cette pièce de bois, très basse, était taillée pour humilier l'accusé. Bonjour, ici Marie et Jonathan pour la nouvelle émission de La Sellette qui aura lieu une fois par mois. La Sellette, c'est un site qui existe depuis mai qui veut rendre visibles les multiples facettes de la violence judiciaire et notamment dans cette procédure brutale et accélérée qu'est la comparution immédiate. On publie un texte par semaine, soit chronique d'audience, soit article thématique, soit témoignage de prévenu. Et vous pouvez trouver tout ça sur le site lasellette.org. Tous les mois, on va écouter une chronique pour approfondir et commenter certains points. Et on va tout de suite écouter la chronique au nom interminable qui s'appelle « Comment pouvez-vous évacuer complètement la possibilité qu'ils disent la vérité ?» Chambre des comparutions immédiates, Toulouse, octobre 2020. Deux prévenus arrivent dans le box, l'un a 25 ans, l'autre un peu plus de 40. Il leur est reproché d'avoir pénétré dans une maison inhabitée en fracturant la porte. Une interprète s'avance pour traduire l'échange entre les prévenus et la présidente. Comme c'est l'usage, elle n'est pas aux côtés des prévenus, mais au-dessous du box. Et les deux hommes doivent se pencher par-dessus le plexiglas pour entendre ce qu'elle chuchote à toute vitesse. La communication, déjà difficile d'ordinaire, est encore plus entravée par le port du masque. La présidente, qui a du mal à comprendre, s'agace rapidement. Il faut changer l'installation, j'entends rien à ce que vous dites. La jeune femme s'éloigne donc du box pour s'installer au pupitre équipé d'un micro, placé en face de l'estrade où siège le tribunal. La maison était surveillée par une société de sécurité qui alertait la police. Les policiers ont interpellé trois individus équipés d'un pied de biche et d'une lampe au moment où ils sortaient de la maison sans rien emporter. Le troisième, mineur, n'est pas dans le box. Lui sera présenté au juge des enfants. Vous donnez tous les deux la même version des faits qui est en contradiction avec le témoignage de la société de surveillance. Vous dites vous êtes introduit dans cette maison pour y dormir. Vous dites y être entré par la fenêtre, que la porte était déjà fracturée, que vous avez fouillé à la recherche de couverture. Est-ce que vous maintenez cette version ou est-ce que vous avez réfléchi un tout petit peu ? L'interprète traduit leur réponse. C'est vrai qu'ils ont cassé la porte. Ils étaient dehors depuis des semaines, ils avaient vraiment besoin de dormir dans un endroit sûr, d'autant plus que l'un d'entre eux est asthmatique. Ils avaient travaillé très tôt le matin et ils étaient épuisés. La présidente a le sens des priorités. Et lequel d'entre vous a cassé la porte ? Ils expliquent que c'est le troisième individu, celui qui est mineur. Exaspération de la présidente. Mais bien sûr, c'est le mineur qui a tout fait. C'est minable. À votre âge, accuser quelqu'un qui n'est même pas majeur. Puis, à l'interprète éberlué par la tirade. Mais traduisez-vous ! La jeune femme s'exécute en hâte avant que la présidente ne reprenne. Monsieur, vous avez indiqué que vous êtes en France depuis un mois ? Il dit qu'il a fait une demande d'asile. Qu'il se contente de répondre aux questions qu'on lui pose. Oui, il est bien là depuis un mois, tandis que son compagnon est arrivé deux semaines plus tôt. Tous deux ont pris rendez-vous pour faire une demande d'asile. La présidente le prend visiblement très mal. Est-ce que vous pensez, messieurs, que pour obtenir l'asile en France, le meilleur moyen, c'est de commencer par voler ? Une fois sa pique envoyée aux impertinents, elle donne quelques informations supplémentaires sur leur situation. Tout d'abord, aucun des deux n'a de mention sur son casier. Le plus âgé était pêcheur, puis peintre en Algérie. Depuis son arrivée en France, il travaille au noir sur les marchés pour gagner sa vie. Le plus jeune, lui, a indiqué en garde à vue ne jamais être allé à l'école et avoir été ouvrier agricole en Algérie. Ils affirment avoir appelé le 115 pour obtenir une place pour dormir dans un hébergement, en vain. De toute façon, ils peuvent bien dire tout ce qu'ils veulent, ça n'ébranle pas le procureur, sûr de son fait. Le dossier est fort simple. Nous pouvons affirmer sans nul doute que ces trois individus sont effectivement entrés par effraction dans cette maison. Une seule question persiste. Était-ce pour dormir ou pour voler ? Moi, je vous le dis nettement, c'était pour voler. Si ça avait été réellement pour dormir, les individus n'auraient pas tenté de partir après la fouille. Sous couvert de demandes d'asile, ces gens viennent commettre des méfaits. Ils sont d'une telle malhonnêteté qu'ils n'assument pas ce qu'ils font. Voyez, c'est l'absent qui a tort. Et puis, c'est fatigant d'avoir à chaque cambriolage les mêmes explications. Vous avez bien raison, Madame la Présidente, de penser que l'OFPRA ne va pas accorder l'asile à ce genre de personnes. Il demande 10 mois ferme et 5 ans d'interdiction du territoire pour les deux prévenus, à qui, cependant, rien de tout ça n'a été traduit. Et la plaidoirie de l'avocat qui suit ne le sera pas non plus. Le seul élément matériel qu'on peut leur reprocher, c'est d'avoir fracturé la porte. Ils s'apprêtaient à sortir sans rien emporter. Ils ont dit avoir fouillé pour trouver des draps et des couvertures. D'ailleurs, la partie civile est incapable de trouver ce qui lui a peut-être été volé. S'ils n'ont rien pris, ce n'est pas parce qu'il n'y avait rien à prendre, mais peut-être parce qu'ils ne voulaient pas voler. Comment pouvez-vous évacuer complètement la possibilité qu'ils disent la vérité ? Dans une extrême précarité, à bout de force, à bout de nerfs, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé d'autre solution que de squatter cette maison. Pourquoi penser que, parce qu'ils sont migrants, ils viennent voler la France ? Et je rappelle qu'ils n'ont pas de casier judiciaire. Ces réquisitions sont excessives pour des primo-délinquants. Il ne réussit pas à semer le doute. Le tribunal les condamne pour vol en réunion avec effraction. 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention. La violence judiciaire s'illustre de plusieurs manières en comparution immédiate. Pour cette audience, comme pour d'autres, il y a énormément de fils qu'on pourrait tirer. Le ton de la présidente, l'inévitable leçon de morale, le commentaire malveillant sur l'OFPRA. Vous croyez que c'est en volant qu'on vous donnera l'asile ? Et, comme toujours, le peu de poids de la parole des gens dans le box face à la police ou aux magistrats. Mais aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser plus particulièrement au rôle et à la place des interprètes à l'audience. L'interprète est un droit pour le ou la prévenue qui doit pouvoir comprendre et être comprise. Ça semble être la moindre des choses. En fait, on voit que c'est un peu plus compliqué que ça. Et il n'est pas rare qu'en comparution immédiate, on assiste à des audiences où la personne ne comprend manifestement que très peu ce qu'il se passe et les questions qu'on lui pose. Pour comprendre comment on en arrive là, il faut revenir sur qui décide qu'il va y avoir un ou une interprète. Le plus souvent, ça se passe en garde à vue. La personne peut en faire la demande, c'est de droit. Si elle n'en demande pas, ce sont les acteurs de la procédure qui vont évaluer son niveau de compréhension. L'avocat, les différents magistrats, mais avant toute chose et dès la garde à vue, la police. Et vu ce à quoi on assiste à l'audience, ils n'ont pas l'air si regardants sur la maîtrise du français. Si la personne comprend un peu, comprend des questions simples, ils chercheront à se passer de l'interprète. Parce qu'ils devraient l'attendre et ça ralentirait la procédure pensée pour être le plus rapide possible. Mais comprendre et pouvoir répondre à des questions simples, ça ne veut pas dire qu'on est capable de comprendre tout ce qui se passe à son propre procès. Si le ou la prévenue l'a demandé, ou si la police a considéré qu'on ne pouvait pas en faire l'économie, qui appellera-t-elle ? Il y a une liste d'interprètes agréés par la cour d'appel. Pour y figurer, il faut justifier de compétences particulières, de qualifications. Mais ce qui est étonnant est que finalement, personne n'a l'obligation de passer par eux. La loi permet en fait aux policiers de désigner toute personne qu'il estime compétente. Alors, pourquoi pas un ami, un proche, ou tout simplement quelqu'un avec lequel il aime travailler ? La difficulté, c'est que plusieurs interprètes témoignent du fait que certains de leurs collègues, en garde à vue, se comportent plus en auxiliaire de police qu'autre chose, dissuadant la personne de prendre un avocat, lui conseillant d'avouer. À noter que cet interprète choisi par la police sera souvent, à Toulouse en tout cas, le même qu'à l'audience. L'interprète est convoqué au début d'audience, 13h45. Les dossiers avec interprète sont prévus pour passer en premier, tout simplement parce qu'ils sont payés à l'heure. Au passage, ils sont payés 42€ la première heure et 30€ les heures suivantes. Seulement voilà, si l'interprète n'arrive qu'au moment où son affaire passe, on ne voit pas trop à quel moment il pourra accompagner l'avocat de la défense au geôle du palais pour traduire son entretien avec le prévenu. Alors, il y a parfois un moyen de s'arranger avec l'huissier pour que le dossier ne soit pas évoqué en premier. Mais ça bouleverse l'ordre du tribunal et ça peut créer des tensions. Et des fois aussi, malheureusement, l'avocat de la défense ne voit que des avantages à passer en premier et renoncera lui-même à cet entretien. Quand le procès commence, comment les choses se passent concrètement. L'interprète n'est pas aux côtés du prévenu. Le prévenu est dans un box fermé par un plexiglas, un peu surélevé. L'interprète est hors du box, devant lui, plus bas. Et ça n'est déjà pas habituellement si simple pour eux de se comprendre, surtout avec des masques. Là, en plus, dans le compte-rendu qu'on vient d'entendre, la présidente demande à l'interprète de se rapprocher de l'estrade des magistrats, c'est-à-dire de s'éloigner du box. Et ce que la présidente gagne en clarté et en compréhension, on peut supposer que les prévenus, eux, vont le perdre. Et on le voit, elle lui dit avec une certaine agressivité. Certaines associations d'interprètes se plaignent d'ailleurs régulièrement du peu de considération dont ils feraient l'objet. Et on remarquera dans cet extrait, comme dans beaucoup d'audiences, que ni les réquisitions, ni les plaidoiries ne sont traduites. Est-ce à raison de cette hostilité, de leur manque de formation, du manque de consignes données par les magistrats? C'est difficile à dire. Il n'en demeure pas moins que dans les faits, après avoir été interrogé, la personne mise en cause va assister au reste de son procès sans comprendre, ou en comprenant à peine, ce qui est dit par le ou la procureuse, qui doit pourtant démontrer sa culpabilité et requérir une peine, mais aussi par celui ou celle qui est censé le défendre. Et ça devient surréaliste quand, après toutes ces interventions, tout le monde s'est bien écouté, le tribunal demande à la personne, le plus sérieusement du monde, « Avez-vous quelque chose à ajouter à ce qui vient d'être dit par votre avocat ?» La qualité de la traduction aussi peut poser problème. On a pas mal de témoignages de ça, tout simplement dans la presse. Par exemple, il y a quelques années, dans le Canard enchaîné, un avocat expliquait « Je suis bilingue en arabe, et il n'est pas rare que je hurle quand je m'aperçois que l'interprète traduit n'importe quoi. » Et trop souvent, on voit l'interprète abréger ce que le prévenu dit. Quand par exemple, pour répondre à une question, un prévenu s'exprime pendant plusieurs dizaines de secondes, et que pour toute traduction, l'interprète se contente d'un oui ou d'un non, qu'est-ce qu'il a exactement dit? On n'en saura pas plus. Et les magistrats rappellent rarement à l'interprète qu'il devrait traduire toutes les explications du prévenu. On est en compas, on a peu de temps, et on a d'autres dossiers. En définitive, on voit bien que ce droit, qui est pourtant proclamé partout comme essentiel pour le prévenu, quand il est mis en œuvre, l'est de façon très aléatoire. C'était notre première émission et on se retrouve le mois prochain. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site lacellette.org, vous y trouverez notre article sur les interprètes, mais aussi toutes nos chroniques. C'était La Sellette.